Et là, on va donc passer à l'intervention de Romaric, qui vient nous parler de la sécurité sociale et de ce qui se passe autour de ça en ce moment. Donc je te passe le micro. Merci, oui, merci à tous d'être là. Je vais effectivement vous parler du déficit de la sécurité sociale et des raisons de ce déficit dont vous avez peut-être entendu parler, puisque tous les médias en ont beaucoup parlé en disant que voilà, c'était une catastrophe, puisque la sécurité sociale retombait au déficit de 5 milliards cette année et encore l'année prochaine. Donc je vais essayer d'expliquer d'abord. Premier point, je vais revenir un peu sur les principes de ce qu'est la sécurité sociale. Donc la sécurité sociale regroupe quatre grandes branches. Donc c'est la santé, la famille et les accidents du travail. Et elle est financée, en théorie, elle était financée à partir de 1945 par des cotisations que réalisent sur chaque salaire les employeurs et les salariés. Donc c'est pas une forme d'impôt, en fait, une forme de salaire socialisé, c'est-à-dire que c'est une partie du salaire qu'on met de côté si on en a besoin nous, mais aussi pour ceux qui en ont besoin par ailleurs. Donc c'est pas un impôt qu'on donne à l'État et l'État le gère dans le cadre du budget de l'État, c'est destiné à la gestion des risques, à la gestion socialisée, donc des risques de ces quatre grandes branches dont j'ai parlé à l'instant. Et donc l'idée, c'était que les employeurs et les salariés, le patronat et les syndicats, grosso modo, gèrent ensemble cet ensemble qu'est la sécurité sociale, en décidant des niveaux de prestations, en décidant du niveau de cotisation et en décidant de la gestion des déficits et des excédents s'il y en avait. Alors ça, c'est le grand principe, ça n'a jamais été réellement comme ça, mais grosso modo, ça a fonctionné jusque dans les années 90, lorsque les gouvernements ont décidé de baisser le coût du travail en jouant sur les niveaux de cotisation, donc en donnant en fait hein, des baisses de cotisation, soit aux employeurs, souvent aux employeurs, par salarié. Et effectivement, et pour compenser, en fait, donc on avait deux solutions, on avait soit on ne compense pas, soit on compense. Et en 1994, donc il y a la loi qui a été la loi Veil. Portée par Simone Veil, qui a fait en sorte que l'État avait obligation de. C'est logique, puisque, comme je vous l'ai dit, les cotisations ne sont pas des impôts, donc l'État ne peut pas faire ce qu'il veut des cotisations. Si il demande à la sécurité sociale de baisser les cotisations et donc de se priver d'une partie de ses revenus, eh bien, il doit compenser ça par fiscaux qu'il met dans les recettes de la sécurité sociale pour, en quelque sorte, compenser hein, les recettes. Donc ça, c'est un système qui a commencé à fonctionner comme ça, qui était là aussi assez imparfait, puisque en fait, les systèmes comptables un peu complexes pour ne pas compenser à 100%. Par exemple, en 2018, en 2018, pardon, oui, il manquait 2 milliards de cotisations qui n'étaient pas compensées par l'État. En fait, qui n'étaient pas encore compensées par l'État, mais ça faisait quand même du déficit. Et puis, mais normalement, on avait à chaque fois qu'on avait une baisse de cotisation, on en a beaucoup, on en a à peu près 50 milliards en tout, eh bien, on avait une compensation pour le système de la sécurité sociale qui devait effectivement avoir les revenus qui correspondaient au niveau des salaires et des cotisations. Alors qu'il y a eu quelque chose de complètement nouveau qui s'est passé en fait à l'été 2018. 19, pardon, attendez, 18 ou 19? 18, pardon. À l'été 2018, le gouvernement a décidé que toutes les nouvelles baisses de cotisations qu'il déciderait lui tout seul ne seraient plus compensées par l'État. Donc la sécurité sociale devrait en fait amortir elle-même la baisse de ses cotisations. Et donc ça allait effectivement changer tout, puisque à partir de ce moment-là, tout ce qui était décidé unilatéralement par l'État, eh bien, devrait être compensé financièrement par le système de la sécurité sociale dans son ensemble, soit par des baisses de prestations, soit par des hausses de cotisations. Mais comme c'est pas possible, puisque justement la politique de l'État est une politique de baisse des cotisations, eh bien, ça ne peut se faire que par la baisse des prestations ou alors par l'endettement. On va y revenir tout à l'heure. Et lorsque il y a eu le mouvement à partir du 17 novembre 2018. Donc le gouvernement a réagi le 10 décembre en donnant toute une série en fait de cadeaux fiscaux, notamment via des baisses de cotisations. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, on peut y revenir si vous voulez après, mais il y a à peu près 5 milliards qui ont été décidés le 10 décembre 2018. Et donc, ces 5 milliards de baisses de cotisations nouvelles ne sont pas, n'ont pas été compensées par l'État. Ce qui fait que la sécurité sociale, qui était en équilibre, eh bien, est tombée en déficit de 5 milliards. Elle est tombée en déficit parce que l'État a commencé à refuser de compenser ses cotisations. Alors, les conséquences, et donc 5 milliards cette année, et à peu près la même chose, un peu moins même, je crois, l'année prochaine. Donc, là, c'est quoi ? Pour le moment, c'est assez neutre, puisqu'en fait, c'est un déficit de plus. Sauf que il y a une petite subtilité, c'est que l'État, en parallèle, a décidé depuis à peu près le même moment, la fin, que la dette de la sécurité sociale, donc quand la sécurité sociale est en déficit, ça arrive quand il y a des crises économiques, il y a moins de recettes, il y a plus de chômage, donc il y a moins de recettes liées au salaire, et donc il peut y avoir des déficits. Dans ce cas, la sécurité sociale fait comme l'État, elle s'endette sur les marchés, elle prend donc de la dette. Cette dette, pour ce qui concerne l'État, par exemple, c'est une dette qu'il ne rembourse jamais. C'est-à-dire que pour rembourser sa dette, il emprunte le même montant et il rembourse la dette l'hôpital qui arrive à échéance. La sécurité sociale, depuis le milieu des années 90, en fait, n'a pas le droit de faire ça. Elle doit amortir sa dette, c'est-à-dire rembourser le capital de sa dette sans reprendre une nouvelle dette. Il y a un organisme qui s'appelle la CADES qui fait ça. Effectivement, ça oblige une partie des recettes de la sécurité sociale à être consacrée à ce remboursement de la dette. Et ce n'est pas une petite partie, parce que c'est quand même 15 milliards. Cette année, ça varie selon les années, mais cette année c'est 15 milliards, ce qui est quand même trois fois le montant du... Et effectivement, le problème, c'est que du coup, on n'est plus du tout dans la même situation qu'avec l'État, c'est-à-dire que quand on demande à la sécurité sociale d'avoir un déficit, et bien ce déficit, il faut en fait le rembourser, il faut donc prendre de la dette et rembourser cette dette, ce qui fait que ça, en fait, sur les dépenses de la sécurité sociale de l'avenir. Et donc c'est autant d'argent qui ne sont pas consacrés aux prestations sociales, aux dépenses de prestations sociales qui sont liées à ce pourquoi la sécurité sociale a été créée, et pas pour rembourser. Donc en créant artificiellement un déficit et en obligeant la sécurité sociale à amortir sa dette, eh bien, en fait, on fait une pression sur les dépenses sociales et surtout on oblige en fait, ensuite, enfin on oblige, on amène les responsables les responsables publics à dire ben voilà, il y a un déficit de la sécurité sociale, c'est très grave, et donc il faut baisser en fait les prestations sociales, il faut donner moins de moyens, enfin pas assez de moyens aux hôpitaux par exemple, au secteur de la santé, pour pouvoir rembourser cette fameuse dette. Et donc c'est comme ça en fait que l'on amène une justification de toutes les réformes à venir, notamment du système de santé, mais aussi du système de retraite. Donc là, en fait, lorsque vous créez artificiellement ce déficit de la sécurité sociale, vous créez en fait le besoin d'une réforme des retraites. Le gouvernement a justement en projet une réforme des retraites qui vise à gérer en fait les retraites par les coûts, puisque c'est un système à points, donc c'est un système où le niveau de points déterminera le niveau des prestations, mais aussi le niveau d'équilibre du système en général. Et donc c'est effectivement être une gestion par les coûts, et cette gestion par les coûts, on la connaît, puisque c'est celle qui est en vigueur en fait dans la santé, via ce qu'on appelle l'ONDAM, c'est-à-dire l'objectif national des dépenses d'assurance maladie, qui est un objectif qui est fixé au système de santé chaque année et qui s'est strictement respecté. Et effectivement, la crise de l'hôpital aujourd'hui, c'est la conséquence de 10 années en fait de besoins inférieurs à peu près de moitié inférieurs de à peu près de moitié aux besoins chaque année depuis 10 ans. Ces besoins respectés, eh bien, s'accumulent depuis 10 ans et au bout de 10 ans, ça fait effectivement ce qu'on connaît aujourd'hui dans le secteur de l'hôpital et de la santé en général. Et effectivement, ça, c'est aussi ce qui va s'avenir, c'est-à-dire qu'il va y avoir plus d'austérité dans la santé, plus d'austérité dans les retraites et vraisemblablement aussi dans les prestations familiales. C'est-à-dire que les prestations familiales vont sans doute être limitées au bout d'un moment à des niveaux de revenus, ce qui fait qu'effectivement les gens des classes moyennes supérieures ou les plus aisés ne vont pas comprendre pourquoi ils cotisent en fait pour des prestations auxquelles ils n'ont pas accès. Donc ils vont demander des baisses de cotisation. Et effectivement, ces baisses de cotisation, ils les obtiendront. Ils auront moins de prestations et donc on passera à un financement en fait par l'impôt. Et donc un financement par l'impôt, ça veut dire que l'État a la main sur la gestion de la sécurité sociale. Et donc, comme l'objectif de l'État, depuis des années, c'est effectivement de réduire les dépenses sociales, eh bien, effectivement, c'est un moyen parfait pour le faire. On a un exemple de cet avenir-là pour la sécurité sociale, c'est celui de l'assurance chômage, puisque les cotisations... Donc l'assurance chômage, ce n'est pas la sécurité sociale, c'est indépendant, mais c'est exactement le même principe que la sécurité sociale, mais depuis octobre 2018, il n'y a plus de cotisations chômage sur vos feuilles de paye. Voilà, ça a été remplacé par une hausse de SG. C'est un impôt, c'est pas une cotisation. Donc c'est un impôt qui rentre dans les caisses de l'État et l'État en fait ce qu'il veut ensuite. Donc il n'y a plus de cotisations chômage, ce qui fait qu'en fait à l'assurance chômage, les représentants des salariés ne représentent pas en fait des payeurs. Les salariés ne payent plus pour le chômage. Ce sont les contribuables qui payent. Alors, les contribuables et les salariés, c'est la même chose, sauf qu'on ne paye pas en tant que salarié, on paye en tant que contribuable dans ce cas-là. Et donc, effectivement, les représentants des salariés n'ont pas leur mot à dire dans le cadre de la gestion de l'assurance chômage. Et donc, on se fait face à face entre le patronat et l'État. Et donc, on se retrouve avec une conséquence qui est la réforme de l'assurance chômage qui a été mis en place le 1er novembre dernier et qui sabre dans les prestations, notamment des plus précaires, mais aussi des cadres. Mais ça pose aussi un problème parce que si les cadres ont moins de prestations chômage, ils vont prendre des emplois moins qualifiés qui ne seront pas à disposition des moins qualifiés, justement. Et donc, ça va augmenter en fait le chômage des moins qualifiés. C'est une politique qui est en fait assez cohérente et assez globale du gouvernement aujourd'hui, de reprendre la main en tant qu'État sur les systèmes de coopération qui avaient été mis en place après la guerre, pour pouvoir en fait les gérer non pas en fonction des besoins de la population, mais uniquement en fonction en fait des grands équilibres sociaux et également en fonction de la politique que eux veulent mener, puisque le but, cette non-compensation des baisses de cotisations, c'est effectivement de faire payer à la sécurité sociale, qui est en fait, si on regarde les comptes, qui est en fait à l'équilibre, de faire payer à la sécurité sociale et donc aux prestations sociales la politique du coût du travail qui est menée depuis des années et qui est une politique qui, disons, ne fonctionne pas exactement comme on nous le promet, pour le dire de façon très, très modérée. Qui marche pas, quoi. Marche pas, en fait, il faut aller encore plus loin. Et à chaque fois, donc, on va encore un tout petit peu plus loin dans la même politique. Et donc, on va creuser encore un peu plus le déficit. Et donc, on va encore réduire les prestations sociales. Donc, c'est en fait vraiment une destruction qui a l'air comme ça un peu technique ou un peu anecdotique. C'est pas une question de 5 milliards en fait de déficit, ça c'est pas réellement un problème. 5 milliards, c'est 0,2% de la richesse créée chaque année en France, donc ça veut rien, mais en revanche c'est la destruction du système de solidarité qui avait été mis après la guerre en place après la guerre, et c'est en fait la destruction de tout l'État social qui est en germe dans cette simple décision. Et ça, c'est un élément qui est important dans tous les politiquement actuels, c'est qu'en fait ils ont l'air d'y aller un peu par petits pas sur des choses très techniques, sur des choses très très ponctuelles, et en fait ce sont des petites choses qui ont des conséquences extrêmement importantes. Et c'est un peu la même chose par exemple sur la réforme des retraites, la technique, pas forcément, sauf pour ceux qui sont très concernés, c'est-à-dire les fonctionnaires et ceux qui sont dans les régimes spéciaux, mais pour les salariés du régime général, bon, on dit ça change pas grand-chose en soi. Et en fait, ça change tout, parce que c'est une autre façon d'envisager les prestations sociales et les transferts sociaux, et de façon générale, la solidarité nationale. Voilà. Merci pour ton intervention. On va passer à la partie débat. Donc, il y a déjà des mains qui se lèvent. Ce que je te propose, c'est que tu me fais signe quand tu veux répondre. Comme ça, je prends plusieurs remarques. C'est une réaction, en fait, sur le déficit social, qui qui me fait penser au rôle du bouc émissaire. La sécurité sociale qui est placée en bouc émissaire de l'énorme marge des bénéficiaires de l'industrie pharmaceutique et des fabricants de matériel de recherche qui les prix ont explosé, c'est de plus en plus cher, les coûts de fabrication ont baissé et les marges de bénéfices ont augmenté. C'est la sécurité sociale qui rembourse et du coup comme ça coûte plus cher, doit rembourser toujours plus. Or, on lui faut dépenser, on lui serre la vis et on lui fabrique du déficit. Mais en fait, c'est pas elle qui est responsable, c'est l'industrie pharmaceutique qui génère ses coûts derrière. Alors vous avez raison de dire qu'il y a un problème effectivement vis-à-vis de l'industrie pharmaceutique, mais je dirais même sans ça, en fait, là le problème du déficit, c'est que même avec les marges de l'industrie pharmaceutique, et peut-être, enfin après, toute la discussion c'est de savoir si ces marges sont pas pour l'innovation, elles le sont en grande partie pas en fait, mais même avec ces marges trop importantes, sans doute, eh bien la sécurité sociale n'est pas en déficit. Donc c'est en fait là le vrai truc. En fait, je suis un peu provocateur, mais on pourrait presque se permettre les marges de l'industrie pharmaceutique. Non, faudrait pas. Mais c'est pas la question. Enfin, là pour le coup, c'est pas vraiment la question. La question, c'est qu'en fait, on a les moyens. Ce système qui gère, c'est un budget de 117% du budget de l'État. C'est-à-dire que c'est un cinquième de plus que le budget de l'État. C'est presque 400 milliards d'euros chaque année qui est géré par la sécurité sociale. Eh bien, ce budget-là, il serait en fait même avec ce problème des marges pharmaceutiques qui par ailleurs effectivement est un vrai problème qui devrait être pris en place sans doute pour qu'on puisse mieux répartir les prestations de la sécurité sociale. Ça c'est un vrai problème, puisque en fait, quand je dis on pourrait se le permettre, c'est pas vrai, puisque on voit bien qu'il y a la crise, de l'hôpital, et que effectivement il y a quand même un problème de gestion des prestations. Voilà. Alors, moi, je voudrais d'abord merci beaucoup pour votre intervention. Moi, je voudrais inscrire ma question dans la continuité de ce qui a été dit avant par Boris et questionner en fait la formule de Jean-Jaurès. L'État ne saurait être social s'il n'est pas laïque. Et donc, du coup, est-ce que là, on n'a pas justement une démonstration empirique? Jean Jaurès, malheureusement, avait tort dans le sens. Alors là, je vais m'expliquer. En fait, on a séparé l'Église et l'État. Il y avait cette idée que l'État allait devenir un État social par le solidarisme, par une gestion rationnelle, justement, de la pauvreté, des questions sociales. Et dans un premier temps, comme vous l'avez expliqué après la guerre, ça, apparemment, c'était plus ou moins équilibré. Et à un moment donné, il y a eu un mouvement, je dirais le néolibéral, nouvelle politique, où il faut détruire justement l'État social pour instaurer le système néolibéral à travers le monde, etc. Et je voudrais faire un lien avec l'isme et la fable des abeilles de Bernard de Mandeville, dans laquelle, en fait, les vices privés produisent de la prospérité publique et que, en fait, l'autonomie et l'extension en fait de l'économie libidinale, etc., c'est ça qui permet la prospérité. Et dans cette idée là en fait, les questions de générosité, d'état social, tout ça, c'est totalement mis de côté. Et au contraire, pour Bernard de Montville, il faut qu'il y ait des pauvres. Ils sont obligés de, faut surtout pas augmenter leur salaire, faut les maintenir dans la pauvreté pour permettre justement à ce qu'une petite oligarchie puisse s'enrichir et faire marcher le principe du ruissellement. Et alors donc, moi, la question que je voudrais vous poser, c'est que Dieu détruit l'Église. On a détruit le pouvoir de l'Église qui, elle, portait malgré tout une forme de discours social, de sacralité. Il y avait cette idée de la sacralité, de la pauvreté, du don, c'était une valeur sacrée, quelque part. Est-ce qu'en ayant justement détruit cette autorité-là, aujourd'hui on se retrouve, alors je ne vais pas équilibrer entre le Dieu et le diable, mais on a maintenant ce démon néolibéral qui a pris le pouvoir, et face à lui, il n'y a plus personne, quoi. Et donc du coup, je me pose comment, parce que quelque part, tout ce que vous avez expliqué, c'est qu'il y a une volonté politique de détruire la sécurité sociale. C'est ça l'idée. C'est volontaire, ça. Alors que, comme vous le disiez très justement, avec la technique économique, comptable, on pourrait parfaitement organiser les choses autrement et vivre beaucoup mieux. Mais si, c'est parce qu'il y a une volonté derrière qui refuse ça. Et donc, alors, la question que je me pose, c'est est-ce que ça questionne pas le principe de laïcité et comment on peut lutter contre ça aujourd'hui, puisqu'on a pu... On n'a plus d'église, on n'a plus d'instances, d'institutions dans le sens de force du collectif qui pourraient imposer une sacralité de la question sociale au niveau de l'État. N'hésitez pas à prendre le micro comme ça. Ouais. Franchement, je ne sais pas. je ne sais pas si la question se pose au niveau de la sacralité, mais en tout cas, je pense... Pardon, juste comme ça, d'accord. Peut-être ce qui est intéressant, c'est de réfléchir plus à... Enfin, plus... Non, c'est intéressant ce que vous dites. Pas du tout le contraire, mais peut-être que... Voilà, moi, l'idée que j'ai, c'est plutôt d'essayer que les gens comprennent que ce déficit de la sécurité sociale qu'on présente comme une sorte de fatalité, effectivement. Et là, on est dans une forme de divinité, enfin, de réalité métaphysique selon laquelle on ne pourrait pas sortir de ça parce que... Voilà, si on peut pas faire de la dette, c'est pas possible, etc. De dire que non, en fait, d'abord c'est une création politique effectivement, et que donc tout ce qui a été créé par le politique peut être défait par le politique. Voilà. Si on a compris ça et que on a compris que effectivement ce déficit de la sécurité sociale n'est pas lié au fait que les gens fraudent la Sécu ou en profitent trop gros, etc. Qui est le discours en fait qui accompagne cette destruction de la sécurité sociale, parce que si on accepte la destruction de la sécurité sociale, c'est parce qu'on considère qu'en fait c'est un instrument non plus de justice mais d'injustice, et là il y a beaucoup de gens qui ont intégré ça en disant bah non, il y a plein de profiteurs et donc en fait c'est ça qui crée le déficit. Or c'est pas ça qui crée le déficit. Donc déjà à partir de ce moment là je pense qu'on peut essayer de réfléchir à la façon dont ensuite on peut organiser cette sécurité sociale pour qu'elle soit à la fois viable, et après on fait le tour, mais pour qu'elle soit viable, pour qu'on la protège. Mais pour ça, il faut qu'effectivement que les gens soient prêts à la protéger. Si on n'est pas prêt à la protéger parce qu'on pense qu'effectivement on a intégré l'idée que tout ce qui est en fait quelque chose qui protège les feignants et les inutiles, bon bah à ce moment-là, effectivement, là on a un problème qui est d'ordre culturel et qui rejoint peut-être la question que vous avez. Mais ce qui est certain, c'est qu'effectivement cette offensive contre l'État social culturel, c'est aussi une offensive pour essayer de nous faire accepter, puisque l'alternative en fait à la sécurité sociale, hein, les dépenses de retraite, les dépenses de santé, les dépenses familiales, elles ne baissent pas. Et qu'il y ait la sécurité sociale ou pas, les besoins, ils sont toujours là. Donc ce qui, par la solidarité nationale, va être pris en charge en fait par les individus privés. Donc, et donc par le marché, et donc par la compétition. Donc on voit bien que derrière cette histoire-là, il y a une lutte culturelle qui se joue pour que, en fait, cette sécurité sociale reçoive le marché qui prenne qui prenne le relais, et notamment le marché des assurances privées. C'est un vieux rêve en fait, hein, de beaucoup de grands assureurs français, de pouvoir effectivement mettre la main sur ces dépenses-là qui ne changent pas. Le pays qui dépense le plus, par exemple, en matière de santé, ce sont les États-Unis. Mais la différence avec la France, qui est le deuxième pays, c'est qu'en France, la solidarité nationale prend à peu près 75% de ses dépenses, alors qu'aux États-Unis, c'est de l'ordre de entre 30 et 50. Effectivement, c'est un autre pays, quoi. C'est-à-dire que il faut travailler pour prendre en charge ce risque santé, ce risque vieillesse. Et donc il faut s'appauvrir en quelque sorte pour essayer de moins s'appauvrir si on est mal. C'est une autre logique, mais je pense que voilà, il faut aussi à un moment reposer tout ça, poser tous ces enjeux-là pour que les gens soient conscients de ce qu'il y a au bout, quoi. Et qu'effectivement il y a derrière une vraie entreprise de destruction de la solidarité, quoi. Oui, je prends un tour de parole après. Vas-y. Assez rapidement, parce que ça va dans la continuité de ce que vous étiez juste en train de dire. C'est-à-dire, si là, dans tout votre exposé, vous placez plutôt dans le point de vue de défendre les acquis de la résistance, l'État qui protège le citoyen, comment dire, les, les contributions dans les salaires, c'est un salaire différé, et donc c'est pas des charges socialisées. Voilà. Et cette entreprise d'émiettement, de destruction de ce système-là, dont vous décrivez finalement, mais en tenant compte, en vous plaçant d'un point de vue social, finalement, vous considérez que c'est une destruction. Mais si on se place dans le point de vue de ceux qui mènent ou les entreprises de destruction ou les gens qui cherchent à désintégrer ce système, quel est leur point de vue à eux? Qu'est-ce qu'ils cherchent à faire? Vous commencez aux États-Unis, mais quel est leur rêve à eux? Est-ce que vous pouvez vous mettre à la place de... Juste, c'est pas qu'une la destruction d'une protection, c'est aussi la destruction d'une solidarité. C'est-à-dire que enfin, tous ceux qui sont salariés cotisent, et quand on est plutôt jeune et en bonne santé, on a assez peu recours à cette solidarité. Mais on paye en fait, et c'est le principe des retraites, c'est-à-dire on paye pour les retraités d'aujourd'hui, en espérant que ceux d'un autre. C'est vraiment un système de solidarité. C'est... La protection va avec, mais je pense que c'est plus qu'un système de solidarité, parce que, pour répondre à votre question, ceux qui veulent détruire ce système disent ben, « nous aussi, on veut la protection ». Simplement, la protection, elle doit être besoin individuel. Les individus doivent pouvoir définir leur protection eux-mêmes, doivent pouvoir choisir leur niveau de protection, doivent pouvoir choisir s'ils veulent... en fait, ils doivent pouvoir faire l'arbitrage entre le présent et l'avenir. C'est-à-dire, je dois choisir, soit je garde mon argent pour dépenser, partir en voyage, machin, et puis ben, plus tard, je verrai, et j'assumerai. Donc, si je n'ai pas de protection plus tard, ben, je travaillerai plus. C'est pas comme ça que ça se passe, hein, on est bien d'accord. Mais je travaillerai plus, ou j'ai papa qui me donne... Souvent, ça va comme ça. Et donc l'idée, c'est, ou alors mon choix, c'est de dire, ben voilà, j'épargne aujourd'hui pour mettre de côté, pour pouvoir, en cas de besoin, avoir les fonds nécessaires pour pouvoir faire face. Voilà. Et donc ça, c'est une idée libérale au sens la plus plate du terme, c'est-à-dire que on donne aux gens les choix de faire ce qu'ils veulent avec leur argent à ce moment-là. Voilà. On n'oblige à aucune solidarité. Du coup. C'est plus compliqué de faire une société quand chacun fait son propre choix de son côté. Voilà, c'est tout. Et ça l'est beaucoup plus lorsque il y a des gens qui n'ont pour vivre, qui n'ont pratiquement pas, qui n'ont pas la capacité d'épargne et qui donc n'ont pas la capacité de faire des choix. Après, il y a plein de gens. Enfin, on sait aussi que plus on a des difficultés à vivre dans le présent, plus c'est compliqué effectivement de faire des choix pour se dire ce qui va m'arriver dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, etc. Donc c'est une vision qui est vraiment simpliste, quoi. C'est-à-dire qu'elle part du principe qu'effectivement les gens peuvent faire des choix, que tous ces choix sont rationnels et que lorsqu'on a fait le mauvais choix, ben, on doit l'assumer. Et que souvent, soit du travail, soit en fait, c'est un choix de riche. Enfin, ce sont des idées de riches. C'est-à-dire, c'est un choix où à un moment, on peut se permettre de faire ces choix-là. Et lorsqu'on a une difficulté, on peut avoir effectivement une aide qui vient de l'extérieur, qui n'est pas une aide d'État, mais qui est une aide extérieure. Donc voilà. Allez-y, madame, on va vous entendre comme ça, je vous le donne. Alors, je disais que cette question-là, elle doit être posée le plus possible aux gens de la couleur race. Je ne dis pas que ceux qui ont la couleur sombre comme moi ne se comportent pas un peu comme ça, mais c'est plus fréquent, mais c'est une vérité. Et moi, je ne sais pas parler à côté. Et ça se voit plus chez vous que chez nous. Et c'est dommage. Franchement, parce que si toutefois on croisait nos regards et qu'il y avait un sourire avec, le monde serait beaucoup plus agréable. Ouais. Quand vous croisez le regard d'un enfant, comment c'est? C'est joli, hein? Ça fait plaisir. Et par moments, ça fend le cœur et ça redonne la joie de vivre. Alors pourquoi les grandes personnes ne se comporteraient pas-ils ainsi? Ce serait beaucoup mieux pour notre race. Si nous, quand je dis notre race, la race... Si nous ne changeons pas rapidement notre manière de vivre, nous sommes appelés à disparaître de la terre. Eh bien oui. Merci. Oui, sur le côté individuel qui est bien en tout cas dans notre culture, ça c'est évident. Je lui donne d'abord la parole parce qu'elle n'a pas encore parlé. Bonjour, merci pour effectivement cette explication et toutes ces interventions. Vous dites que grosso modo le système de solidarité qui était appelé le système de répartition fonctionne jusque dans les années 90, et moi ce qui m'a interpellé c'est que vous dites à un moment donné que justement on baisse les charges patronales et que donc c'est ça qui quelque part famino qui au bout d'un moment on casse cette solidarité parce que ça devient plus effectivement un système de solidarité, mais que ça voilà. Et en fait ma question c'est un peu ça, c'est est-ce que donc à partir des années 90 avec cette décision qui fait l'effet domino, parce que je me souviens de discours où on parlait que la démocratie pouvait plus l'évolution démocratique de toute façon faisait que le système de répartition allait plus être possible. On se souvient de discours déjà de Jacques Chirac qui pointait déjà les boucs émissaires, des assistés, des machins, des bidules. Ma première question ça serait déjà, est-ce que tous ces discours préparaient déjà le terrain un petit peu à ça? Et la deuxième question c'est justement, est-ce que dans les années 90 quand on commence un petit peu à émietter ce truc là finalement, bah, avec ce genre de décision, ça allait déjà, c'était conscient quelque part dans la tête des politiques qu'on voulait libéraliser et au point où on arrive aujourd'hui, et que ça allait donner donc que ça allait, on va dire, à cette responsabilité individuelle dont vous parliez, ou est-ce que ça a été des effets d'opportunisme au fur et à mesure, comme ça, au fur et à mesure des années? Est-ce que je peux ajouter quelque chose à sa question? Quel est justement dans le sens de ce que vous disiez tout à l'heure, parce que c'est vrai qu'au début, on pouvait avoir l'impression qu'il voulait faire plus d'État en récupérant la sécurité sociale, qu'en fait ça allait être un État plus fort. Et moi je prends les autres exemples qu'il y a eu avec la SNCF par exemple, et ce qui se passe avec l'hôpital public, où en fait de créer plus d'État au début, ça permet que l'État soit plus en capacité à la place des salariés, à la place de la sécurité sociale, de tous ceux qui la gèrent. Mais après, pour pousser vers la privatisation en fait. Donc le but final, c'est pas d'avoir un plus d'État qui soit plus fort et qui gère tout, c'est qu'à partir du moment où ça passe par l'État, ensuite ça peut être vendu sans que les personnes puissent avoir la main dessus. C'est que, ouais. Alors je vais juste répondre à votre question et en partie à la question de madame. En fait, le projet, on a dit le mot tout à l'heure, le projet néolibéral qui est celui en fait qui domine aujourd'hui, projet de retrait de l'État au sens où on peut l'entendre, c'est-à-dire c'est pas un projet ultra-libéral au sens où on détruirait tout l'État et on se retrouverait uniquement avec des individus sur des marchés. En fait, c'est un projet qui utilise l'État pour développer les marchés. Et donc l'État est présent. Il est en fait toujours aussi présent, simplement, il a changé de camp. Il n'est plus du côté de la solidarité, il est du côté, en fait, des plus puissants, du capital, de ces éléments-là. Donc c'est en fait, si vous regardez très clairement, par exemple, les dépenses publiques dans les années 80 aux États-Unis et au Royaume-Uni, ces dépenses publiques, elles augmentent. Elles augmentent simplement, elles augmentent pas dans le sens de la solidarité, etc. Ce sont des dépenses d'armement, ce sont des dépenses les dépenses dites qu'on appelle régaliennes, c'est-à-dire armement, justice, ça veut dire prison, et police. Hein, voilà. Et c'est juste pour vous dire, c'est exactement les priorités du budget 2020 du gouvernement. Hein. C'est écrit dans le dossier de presse du gouvernement du projet de budget 2020, comme ça. Donc, et effectivement, quand vous regardez, là où les budgets augmentent, c'est police, défense et justice, prison. Donc c'est vraiment cette idée-là. C'est cette idée qu'en fait, l'État, d'où il était privé, est en fait être utilisé pour développer le plus possible les marchés. Et donc, c'est notamment, ils sont pour la régulation. Mais c'est une régulation, en fait, qui est autonome du pouvoir démocratique, qui est extérieure et qui juste garantit, en fait, le bon fonctionnement des marchés. C'est pas une régulation. On intervient dans les marchés pour, en fait, compenser les problèmes qui peuvent être liés au point de départ des acteurs du marché ou des choses comme ça, ou gérer des questions, des priorités sociales, etc. Voilà. Donc il faut faire attention à ça parce que souvent les citoyens, on voit l'État disparaître, puisque en fait on voit tout ce que le contact qu'on a nous avec l'État, qui est le contact via la protection sociale, Et via effectivement la redistribution qui disparaît, mais en fait l'État ne disparaît pas. Non seulement il ne disparaît pas, mais parfois il est encore plus fort. Et enfin, on va pas rentrer dans la question, mais par exemple la question des violences policières, etc., ça rentre en fait dans cette idée-là. Donc c'est pas en fait, c'est pas forcément moins d'État, c'est un État différent et un État qui prend parti en fait. Et c'est où la question de la sécurité sociale prend son sens. C'est-à-dire que lorsque l'État détruit la sécurité sociale, lorsqu'il détruit les systèmes de solidarité, il prend parti dans la société contre la solidarité, contre les plus fragiles et en faveur donc ce projet-là, en fait, il date des années 70-80, il a été développé en France à partir de 1983, et en fait, dans les années 90, effectivement, en fait, c'est un projet qui est assez ancien. Il y a plusieurs d'assurance, notamment Denis Kessler, qui est chef de la SCOR, qui est une société de réassurance, etc., qui est aussi un mentor de beaucoup d'hommes politiques français au cours des années 90, qui n'a jamais caché que son but, effectivement, c'était de réduire le plus possible la sécurité sociale, pire de nouveaux marchés à ses entreprises d'assurance et à lui en particulier. Donc, effectivement, c'est un projet qui est... Alors, on peut le concevoir de deux façons. Pour ces gens-là, effectivement, ce sont leurs intérêts. Mais il ne faut pas oublier la dimension idéologique. Il y a des gens qui y croient, vraiment. Monsieur me disait, donnez-moi le point de vue en face. Ce point de vue-là, il y a des gens qui croient à ça. C'est pas uniquement de l'opportunisme économique en disant, super, on va être plus riche, etc. C'est aussi des gens qui pensent que voilà, c'est important que les gens choisissent leur protection sociale, faire leur arbitrage entre le présent et l'avenir, et pas payer pour des gens dont ils n'ont absolument rien à faire. Donc voilà. Donc il y a en fait cette double dimension. Il y a une dimension effectivement, économique, qui est son portée et en fait favorise cette évolution-là. Et puis il y a des gens qui croient en fait en cette évolution-là et qui font tout pour changer l'espace culturel dans cette faveur-là. Et effectivement, considèrent que trop de solidarité détruit la liberté, voilà, des choses comme ça. Donc voilà. Moi, c'est plus un point de vue, je pense que, bon, comme tu l'as dit, ça fait depuis des années, des décennies qu'ils sont en train de détruire le système tissu social français. Alors, moi, ma pensée, c'est qu'en fait, je pense que ça va être mis dans la Constitution. Je pense que ça devrait être largement inscrit dans la Constitution pour qu'on n'y touche pas. Parce que pour moi, c'est un droit fondamental. Après, j'en parle aussi parce que j'ai des problèmes de santé. Je suis bien content d'avoir la Sécu. Ça me permet justement des appareils pour me permettre de vivre correctement avec mes problèmes de santé. Après, ce que tu dis, c'est super intéressant sur l'aspect que, en fait, la Sécu, ils sont pas déficitaires, justement, ils sont en excédent budgétaire. Et que l'État préfère, en fait, rembourser la dette ou les endetter plutôt que cet argent serve plutôt à trouver plutôt des façons médicales plus efficaces pour justement peut-être faire baisser justement le coût, permettre peut-être à la Sécu dedans si on travaille beaucoup plus en finalité sur comment on soigne les gens. Il y a aussi l'aspect que je pense en fait la sécu serait pas un problème aussi sur l'aspect c'est qu'aujourd'hui on est et aussi je me apprête plutôt pour moi l'aspect aussi de la santé est très mal pensé en France. Premièrement elle est pensée beaucoup sur le chimique et moi pour avoir bouffé des médocs par rapport à mes pathologies en fait ça sert à rien. J'ai plutôt trouvé dans Futodia qu'à trouver moi-même une solution plus efficace de gérer mes pathologies. Donc je pense que ça serait justement plus intéressant que l'argent serve plutôt à partir sur du plus naturel, qu'on ait plus en France aussi une façon de penser du soin. C'est-à-dire trouver d'autres formes de soins plus naturels, en utilisant peut-être de la médecine ancestrale, comme le magnétisme, comme tous ces courants-là qui peuvent largement aider en fait beaucoup de pathologies. Et on peut se passer de médoc. Après, bien sûr, je dis pas les médocs, il y a besoin de médocs. Dans une pathologie lourde, sans médoc, ça serait difficile pour les patients. Mais voilà, je pense qu'il serait temps, en fait, de passer sur ces modes-là. Et de toute façon, ça c'est sûr que ça ne se fera jamais si on est encore dans des politiques libérales. Et de toute façon, après, ce que je pense aussi, c'est que ça soit, de toute façon, que ça soit le FN ou tous les autres partis, en fait, ils ont quand même beaucoup de pensées libérales, et je pense qu'on aura beau voter pour les autres, je pense qu'ils changeront absolument pas la problématique qui ressent cette problématique-là. Et cette problématique-là, en fait, grandir. Et aussi, l'aspect aussi important, c'est que, comme tu as dit, c'est la cotisation. Ça permet à tout le monde. Il y a aussi la problématique aujourd'hui, qu'on est en train de robotiser beaucoup de choses, qu'on est justement les personnes du travail, et que le jour en fait où il n'y aura plus de salariés, bah là aussi la problème de cotisation va être un gros problème, parce que c'est grâce aux travailleurs qu'on peut cotiser que le système marche. Et il y a aussi ça, ce grand danger là, qu'on précarise beaucoup plus, qu'on robotise, et que au niveau de la, comme tu as dit, Pôle emploi, etc., que si on continue comme ça dans 10 ans au niveau des, on va dire au niveau des déficits, ça va être monstrueux pour ces choses-là, bah parce que personne ne va cotiser, et que si on ne cotise pas, bah ce système-là est mort, quoi. Je pense que vous avez entièrement raison, c'est-à-dire que en fait, si il faut tout remettre ensemble, c'est-à-dire la réforme du marché, les réformes du marché du travail, la réforme de l'assurance chômage, toutes ces choses-là sont des choses qui incitent les gens à passer dans le régime non salarié. Voilà. Et qu'effectivement, le régime non salarié, c'est un autre régime, c'est pas celui de la sécurité sociale. Il ne peut pas fonctionner sur un système de cotisation parce qu'il n'y a pas de salaire, donc il n'y a pas de cotisation. Et donc, on est obligé de passer par des impôts et qu'à ce moment-là, la main à un État qui a changé de camp, comme j'ai expliqué, donc effectivement, qui ne va pas, qui va pas défendre la sécurité sociale. Et donc, c'est pour ça que en fait, les cotisations, effectivement, tout le monde aimerait ne pas les payer, c'est mieux. Quand on les paye plus, en fait, on perd le contrôle, et à ce moment-là, en fait, on les paye d'une autre façon, à plus long terme. Et au mois d'octobre 2018, on a supprimé les cotisations chômage, j'ai expliqué les conséquences, on a aussi supprimé les cotisations santé. Donc, ça veut dire que dans le système de santé, aujourd'hui, les représentants des salariés ont, en fait, n'ont plus leur mot à dire, quoi. C'est pas, voilà. Et donc effectivement, à terme, la gestion se fait par l'État, par les coûts, en disant c'est toujours le même pays qui commande. Donc voilà. Donc c'est pour ça que c'est important que ce soit effectivement que on défende effectivement aussi dans un premier temps. Après, si on fait la révolution et qu'on supprime qu'on abolit le salariat, c'est mieux. Mais en attendant, c'est pas mal là de conserver au maximum ce système du salariat avec ce système de cotisation, parce que parfois en fait payer en avance et payer pour de la solidarité, c'est quand même mieux que de payer de façon individuelle, surtout quand effectivement on a le moins de moyens, quand on a peu de moyens, quoi. Donc je pense que c'est quelque chose qu'on doit préserver le plus possible. Voilà. Malheureusement, je dois partir, je suis désolé, mais je vous souhaite un bon débat avec la suite, et merci d'être venu. Merci à vous. Est-ce que les deux personnes qui souhaitaient parler, vous voulez quand même rajouter, même si vous n'avez pas le temps de répondre, comme ça rentre dans... Allez-y. Non, c'était pour ajouter motivation pour tout ça de ceux qui nous dirigent. Ça m'a rappelé, j'ai revu ça il y a pas longtemps, c'est une intervention, je crois, d'Alain Minc, qui était à l'époque sur TF1, dans les années 80, qui disait que la sécurité sociale, ça a un coût de plus en plus cher, parce que la population vieillit, qu'on est de plus en plus nombreux, et donc c'est un coût qui augmente continuellement. Ce qui est sous-entendait derrière, c'est que, c'est à la main, hein, si on privatisait tout ça, donc on passait par des systèmes d'assurance et de mutuelles privées, ce ne serait plus un coût, ce serait un investissement et des bénéfices. Oui, mais ça générerait des bénéfices, parce qu'on pourrait capitaliser tout ça. Et donc, on pourrait capitaliser, faire de la croissance, créer de l'argent, développer des bénéfices et alimenter la théorie du ruissellement qui avait été citée. Et c'est tout ça l'enjeu qu'il y a derrière. C'est la solidarité nationale, c'est la répartition d'argent, c'est quelque chose où chacun cède une part de son argent pour leur donner un peu aux autres et en recevoir en retour une petite partie. C'est un système de redistribuité fondamentale. En passant par la capitalisation, c'est de l'investissement, c'est de la spéculation financière, et ça va générer du ruissellement. Et en plus, cette théorie, il a été démontré qu'elle ne fonctionnait pas du tout. Plus il y a de riches, plus ils sont riches. C'est un système qui coûte plus cher parce que vous avez quelqu'un d'autre à payer, en fait. Vous avez les propriétaires des entreprises qui gèrent le système privé. Donc, il faut aussi les rémunérer. Et donc, vous avez, en fait, par rapport au système public, un acteur de plus à rémunérer. Donc, ça coûte forcément plus cher. Et donc, effectivement, on se retrouve avec les systèmes. Si vous avez un système que vous voyez en Suisse ou aux États-Unis, effectivement, ce sont des systèmes qui sont beaucoup plus chers. Ou alors, vous avez un système à l'allemande où les riches ont droit à un système privé sur, et puis les pauvres, le tout venant, a droit à un système de seconde zone parce que voilà, c'est celui qui est géré par les coûts. Donc voilà. Donc les alternatives sont quand même pas très très très très réjouissantes, quoi. Voilà. Merci beaucoup encore une fois. Hein. Merci à vous. Merci. Okay, vas-y, comme ça, si nous on a des choses à rajouter sur ce que tu dis. Ce que je voulais dire, c'est par rapport à ce qu'il a dit, en fait, le constat qu'il fait. J'ai l'impression qu'il est fait depuis longtemps. Je pourrais citer le texte de Loïc Vacan qui s'appelle « La fabrique de l'État », texte excellent qui montre comment justement le programme a été pensé depuis bien longtemps. Et moi, la question que je voulais lui poser, c'est par rapport maintenant, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça ? Et je voulais lui demander son avis sur deux propositions qui sont faites actuellement. La première, c'est Piketty qui propose justement hyper. Il propose un système où il y aurait plus de milliardaire, le milliardaire ne serait plus possible parce qu'il y aurait une sorte de système où justement l'État récupérait tellement d'argent qu'il pourrait. Je voulais avoir son avis sur l'idée de Piketty et je voulais l'idée de Frédéric Lordon par rapport à la dette, de nationalisation de tout le système bancaire pour pouvoir se libérer justement de la dette, quoi. Et voilà, donc. Ok, donc bah tu n'auras pas son avis, mais ceci. Quelqu'un a un avis là-dessus ou sinon on enchaîne, on revient sur sur l'intervention qu'il y avait avant. On se donne quoi, une demi-heure, quelque chose comme ça. Ouais. Je change la clé. Ouais. Bon, je reviens. Alors tout à l'heure j'ai parlé.